Bonjour à vous, les curieux et les curieuses de Touraine et d'ailleurs. Le Fureteur Professionnel vous retrouve aujourd'hui en pleine forme. J'ai pas sommeil. Et comme tous les lundis jusqu'à ce que le soleil nous tombe sur la tête, abreuvez-vous de connaissances par les oreilles. Sortez vos bottes, vos loupes et vos boussoles, c'est parti pour l'aventure. Sans réfléchir, on est sûr et certain que l'habillement est une chose essentielle dans la vie. Et je suis simplement d'accord avec vous. Il faut juste prévenir Adam et Ève des avancées de la mode. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Vous vous êtes sûrement déjà demandé pourquoi les vêtements sont genrés. Non. Pourquoi les femmes ont-elles droit à de la couleur et les hommes ont droit à des rasoirs moins chers. Non. Et j'ai alors fouillé pour vous, au fond du fond du fond, et on peut affirmer qu'avant, cette question se posait moins. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais une dédicace à Ina et son émission Le passé habille le présent, que vous pouvez écouter le samedi à 10h avec votre chocolat chaud, car on sait tous que le café, c'est dégueulasse. Ici, on ne va pas parler de Gabrielle Chanel, qui réinvente la mode masculine ou qui fait des affaires louches avec des personnes louches, mais plutôt des vêtements portés avant par les hommes d'hier qui, aujourd'hui, ne les toucheraient même pas avec un bâton qui lui-même porterait un bâton. Je vais vous parler de 5 d'entre eux. On fait un top 5 aujourd'hui. Les talons. Chaussures esthétiques avec un talon d'au minimum 5 cm, hantise des Miss France novices en la matière, cette chaussure apparaît dès l'époque de l'Égypte ancienne, où les bouchers en portaient pour éviter de se salir les pieds avec le sang qui maculait le sol. Cette chaussure avait 2 piliers sous la chaussure, ce qui la faisait ressembler à un pont. Au Moyen-Âge, on voit apparaître les sabots, précurseurs des talons appelés chopines. Et non, ce n'est pas le pianiste polonais. Ces dernières deviennent rapidement à la mode partout dans le monde, principalement chez les aristocrates. À la fin du XVIe siècle, c'est au pied des cavaliers qu'elles se chaussent. Le talon est alors utile pour mieux se maintenir dans les étriers, une utilisation qui a perduré à travers les centiagues. En 1533, la mode des talons revient en force chez les hommes, notamment chez les nobles, comme par hasard, qui aiment dominer la foule de leur hauteur. Nicolas Sarkozy en aurait eu bien besoin. Ces chaussures étaient une adaptation à la fois des chopines et des sabots, façonnées pour protéger le pied de la saleté et de la boue, mais contrairement aux chopines, le talon était plus haut que la hauteur de 2 doigts de pied et la semelle était conçue pour élever le milieu du pied. Ce type de chaussures élevées était déjà porté en tant que mode en Italie, seulement les lois somptuaires à Venise bannissaient le port des chaussures à haute semelle au milieu du XVe siècle. Notre bon vieux roi soleil, Louis XIV, et non pas Quentin Tarantino, pour se donner de la hauteur afin de toucher le sommet de son crâne dû à un trop gros ego, porte au XVIIe siècle des talons recouverts de cuir rouge. Ces chaussures à talons hauts sont fabriquées à l'identique pour le pied gauche et pour le pied droit, et le talon est composé de feuilles de cuir superposées et collées. Ces chaussures inadaptées à la marche sont pourtant adoptées par la cour et deviennent alors signe de distinction et de richesse. À la Révolution française, il disparaît, au même titre que d'autres symboles de la noblesse. Les chaussures masculines ne sont alors pourvues que d'un talon bas ou plat. Mais les années 60, révolutionnaires à leur manière, font revivre le talon, iconiquement sur les Chelsea Boots des Beatles qui ont réussi l'exploit de rendre glamour la mort par overdose. Il ne revêt toutefois pas la même fonction que son pesant féminin, beaucoup plus fin. En permettant d'élever la taille des hommes, le talon est symbole de virilité. Dans les années 70, le talon se fait plus haut encore, mais il est aussi extravagant qu'éphémère. Enfin, au début des années 2000, Eddie Slimane, photographe et styliste, l'a fait réapparaître chez Dior sur des bottines rock. Donc, avant d'être un symbole de jambes gracieuses pour les femmes, les talons étaient des réponses à des contraintes d'antan et des conséquences de chamaillerie masculine. Ensuite, nous avons la robe. Courte, longue ou de mariage, elle était prépondérante au sein de la garde-robe des gréco-romains et des gréco-romaines. Les hommes, comme les femmes, portaient des tuniques, des tissus drapés, des toges, des chemises longues qui laissaient respirer la peau. Dans la Rome antique, les légionnaires romains sanguinaires et surentraînés portaient des jupes avec des sandales. Hé les Romains, vous êtes des Romaines ! Tenue idéale pour un festival de musique en plein air. Courtes et amples, elles permettaient de se mouvoir facilement au combat et sont alors perçues comme un symbole de virilité. J'ai l'impression que les hommes ont toujours eu besoin de prouver qu'ils étaient virils et forts, alors qu'aujourd'hui il suffit juste d'avoir un gros 4x4 qui pollue beaucoup. Au XVe siècle aussi, la houppelande, vêtement long porté par-dessus les autres vêtements comme un poncho, sera portée par des hommes et des femmes sans revendication. On va plutôt parler de vêtements longs ou de vêtements courts. À part quelques petites adaptations, la robe va aller jusqu'aux chevilles pour les hommes alors qu'elle recouvre les pieds pour les femmes afin de faire fuir les fétichistes des pieds, ce fanatisme que je ne comprendrai jamais au grand jamais. À la Renaissance, malgré l'omniprésence du pourpoint, Veste ou gilet rembourré masculin se portant sur ou sous l'armure, les robes ne sont pas effacées des garde-robes masculines. Jusqu'à la fin du 19e siècle, à l'époque de nos aïeux, les bébés garçons et les vieillards portaient le vêtement long, les seules personnes ne pouvant rien dire sur leur tenue car personne n'oserait critiquer un bébé. La robe reste, de nos jours, un vêtement synonyme de dignité qui s'impose dans de nombreux métiers et catégories institutionnelles comme l'université, la magistrature, le personnel ecclésiastique et le kilt écossais. Le ravalement de façade opéré par certains et certaines d'entre vous pour cacher un bouton serait étonné de savoir que le maquillage jouait un rôle dans la masculinité égyptienne du temps des pharaons. Dès 4000 avant notre ère, les hommes utilisaient des pigments noirs pour créer des motifs élaborés en œil de chat. Quelques millénaires plus tard, l'eyeliner, le fard à paupières vert et les joues à base d'ocre rouge étaient également populaires. Le but n'était pas de paraître plus attrayant, mais d'évoquer les dieux afin d'éloigner les maladies nocives et de révéler sans parler son statut social. Avance rapide jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ. Les hommes de l'Empire romain, encore eux, étaient connus pour éclaircir leur peau avec de la poudre et peindre leurs ongles à l'aide d'un élixir de graisse et de sang de porc. On m'appelle Monsieur Porc ! De quoi retourner l'estomac des plus fragiles d'entre vous. Les hommes romains ont également peint leur tête pour camoufler les taches chauves. Il n'a pas fallu attendre les voyages en Turquie pour que nous, les testostéronés, vivent le déni de la perte de cheveux. Histoire vraie, j'ai vécu cette phase de déni avant de me raser le crâne tel Nutella en Asie. Avançons encore plus dans le temps, un temps où les fantômes étaient de sortie à l'époque d'Elisabeth Ier au Royaume-Uni. En effet, les hommes aimaient la peau poudrée blanche, prouvant ainsi leur richesse face à des gueux qui travaillaient au soleil toute la journée. Cette mode persiste d'ailleurs au Japon de nos jours. Le revers de la médaille de ce signe ostentatoire de richesse, ces produits étaient faits en plomb, ce qui provoquait souvent de graves problèmes de santé, y compris la mort. Un temps disparu pour les hommes, c'est au cinéma que le maquillage revient au rivage, avec l'excellent Clark Gable et son look poli. Celui qui a joué dans l'horrible temps en temps d'emporte le vent pour moi et rien que pour moi, petite dédicace à Alain et son émission Cinéphage. En 1994, le concept de métrosexualité est apparu dans la conscience culturelle grâce au journaliste britannique Mark Simpson. Ce néologisme mélange de métro pour métropolitain et non métro et sexuel pour faire allusion à des hétérosexuels qui adoptent les usages et l'apparence vestimentaire que le stéréotype attribue aux homosexuels. Et c'est bien dommage puisque prendre soin de sa peau, c'est toujours utile. Instrument de torture par excellence, le corset envahit et façonne les bustes au cours du XIVe siècle. Pour les hommes, il est court, ajusté et bombé sur la poitrine et rembourré sur toute sa surface. Ce torse très bombé était obtenu par son port en dessous d'une cuirasse qu'on appelait un pourpoint, évoqué il y a quelques minutes plus haut si vous avez bien écouté. Vêtement militaire avant tout, il était porté sous l'armure en métal pour éviter d'être blessé par le fer. A l'inverse, la femme doit se coltiner un corset très étroit et menu afin de lui donner une apparence fine, comme ma mère qui se trouve grosse au-delà de 49 kilos. Alors oui, ça rendait la femme jolie, mais il ne fallait pas faire de sport ou de mouvements trop amples, voire même respirer. Cette mode du corps fin et sculpté par le corset est restée longtemps dans l'imaginaire collectif comme un accomplissement à avoir dans son armoire à trophées. Si vous vous souvenez de Betty Boop, c'est exactement ça. Le corset montre comment le vêtement est un attribut de pouvoir, une fois de plus. Enfin, refaisons un tour dans le bas du corps avec les jambes. Je ne vais pas vous parler de mes mollets dignes de troncs d'arbres ou de mes cuisses pouvant être vendues 60 euros le kilo en boucherie cannibale de luxe. C'est du porc d'Iran. Évoquons les collants et bas. Les hommes ont toujours porté des collants depuis la fin de l'Empire romain, au moins. Nommées chausses, elles n'étaient pas en nylon et ne couvraient que jusqu'aux genoux. C'est au XIIe siècle que les bas ont commencé à ressembler beaucoup plus aux collants modernes. C'était à l'origine un vêtement couvrant le corps, de la taille aux pieds, confectionné au plus près du corps pour rendre pratique la vie du cavalier. Les versions féminines étaient similaires mais se terminaient aux genoux et étaient maintenues en place par des jarretières. Aujourd'hui, il est minoritaire chez les hommes mais pas inexistant. Les soldats postés dans les déserts en portent pour se protéger des puces de sable ou encore les pilotes et stewards qui peuvent porter des collants de compression afin d'améliorer la circulation sanguine. L'inverse existe-t-il aujourd'hui? Est-ce que des femmes portent des vêtements destinés aux hommes? Oui. Pour un vêtement qui n'est pas le t-shirt que ma sœur m'a vu piquer en 2012 pour faire une photo avec ma cousine. Je l'aurai ma vengeance, je l'aurai. Je parle bien de la chemise blanche. Contrairement aux employés subalternes de bureau pratiquant le bullshit job qui enfilent la chemise blanche quasiment sans réfléchir, une femme ne la passe jamais par hasard. Au féminin, c'est un vêtement qui peut cacher comme révéler la personnalité ou jouer et rejouer les lendemains de nuit agités dignes des plus grandes comédies romantiques. La mode change, la mode évolue mais la mode revient toujours. Celles et ceux qui vomissent sur les jeans slim en reporteront dans 10 ans. Mesdames, volez les suites de vos hommes pour ne pas avoir froid. Et messieurs, évitez le combo slip kangourou chaussettes trouées si vous voulez rester attirant aux yeux de votre moitié. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour parler de la relativité du temps. C'était Théo Xerès le Furteur, à la voyure les amigos.